Salut à toutes et à tous, bienvenue pour Vidéo Top. Aujourd'hui, un film tiré d'une histoire vraie. Voici l'histoire incroyable d'un jeune journaliste anglais dans la Chine des années 30, alors ravagée par la guerre, qui s'associe à une infirmière américaine et au chef d'un groupe de partisans chinois pour sauver 60 orphelins. Ensemble, ils vont parcourir plus d'un millier de kilomètres à travers les contrées les plus hostiles. J'écris dans cet immeuble en ruine et j'entends les soldats japonais s'agiter juste en bas. Un journaliste cherche une histoire. Vous avez été gravement blessé. Il découvre une cause. Il y a un endroit dans le Nord-Ouest où vous pourrez travailler votre chinois avec nous avant d'aller au front. Qui changera sa vie à jamais. Pourquoi ils ne ferment pas l'école et ne les renvoient pas dans leur famille? Ce n'est pas une école, c'est un orphelinat. Trouvez quelqu'un d'autre! Il n'y a personne d'autre. Vous devez rester, Georges. S'ils me prennent pour un communiste, ils enrôleront les enfants de force. Alors, où voulez-vous les emmener? Sur la route de la soie, à environ 1200 km d'ici. Des enfants à 3000 mètres d'altitude, dans la neige. C'est de la folie. Tant que nous aurons quelque chose à vendre, nous survivrons. Je voudrais l'emmener avec moi. Non, ce n'est plus un enfant. D'après l'incroyable histoire de George Hogg. On essaie de garder nos têtes hors de l'eau, c'est tout. Les orphelins de Wang Shi, un très beau film de Roger Spottiswoode, un DVD métropolitain.